Analyse du 14 juillet 2021. Thierry Pirlo, Sherpa One, le palais de l'éphémère. Voici tout d'abord la lecture d'un post de Manu Militari, un soldat numérique parisien, suivi de l'analyse du Sherpa et publié par Mauve Berger sur VK. Que s'est-il réellement passé ce 12 juillet 2021 à Paris avec Macron ? En cette mi-juillet 2021, Macron nous offre l'été de la mort et nous annonce la vaccination obligatoire. Certes, de bonnes raisons de faire paniquer les Français qui ne sont pas dupes. Mais je suis étonné de voir que personne, je dis bien personne, pas même le moindre haut complotiste distingué, n'a vu la symbolique du message. Personne n'a remarqué qu'un président français est en train de faire une allocution nationale hors du symbole même de la présidence française, le palais de l'Élysée, alors qu'elle se doit toujours d'être formaliste pour les nationaux comme pour les Français de l'étranger. Une première. Jamais cela ne s'est vu. Jamais. Je rappelle que le Grand Palais de l'Élysée sert uniquement aux manifestations artistiques de grande ampleur et que le palais éphémère sert, lui, en général, à l'accueil de diplomates étrangers. Un président s'adresse toujours de son lieu de pouvoir à la nation, lieu de pouvoir temporel qui marque la continuité du pouvoir. De surcroît, non seulement il ne s'agit plus du palais présidentiel de l'Élysée, mais ironiquement, du palais éphémère. Pensez-vous que cela n'a pas de signification pour un décodeur en symbolique ? Et la caméra qui fait des travelling latéraux pour bien vous montrer où cela se passe ? Avez-vous déjà vu une allocution présidentielle où la caméra quitte le visage et la position de face d'un président en pleine allocution pour bien vous montrer les lieux ? Le palais éphémère de Paris. Cela ne vous remémore rien ? La soi-disant visite des chefs d'État africains en France il y a un mois, qui s'est soi-disant tenue, elle aussi, au palais éphémère. Dois-je vous rappeler que j'ai déjà dû vous alerter sur l'étrangeté de la chose ? Aucune photo n'avait été faite. Aucune interview de chef d'État. Aucun journaliste présent sur les lieux. Et pour cause. Une semaine après, ils ouvraient le palais éphémère au public et l'on n'y voyait rien, car il était encore en travaux. Seule une dalle de béton avait été coulée dans la salle de réception du bas. Pas une lumière, pas une chaise, rien. Et l'on aurait reçu tous les grands chefs d'État africains sur un chantier au lieu de les recevoir à l'Élysée ? Impossible. Je me souviens avoir remarqué que sans même prévenir les riverains, tous les accès au parc du Champ de Mars avaient été bouclés et des dizaines de camions de CRS bloquaient la vue de ce qui s'y passait. Lorsqu'on demandait à un policier de quoi il retournait, il ne répondait pas ou disait qu'il ne savait pas. Ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'il n'y avait ni chef d'État, ni voiture officielle, ni garde républicain sur les lieux. Simplement, tous les accès au métro ont été bloqués autour du parc et toutes les rues qui y mènent pendant 3 jours et 3 nuits. Je suis passé voir juste après, par curiosité, et il n'y avait rien. Le palais éphémère était toujours en chantier. Par contre, voici un lieu qui se prête donc étrangement aux événements présidentiels en lieu et place de l'Élysée. Ce qui amène à se poser la question de savoir pourquoi plus rien ne se passe à l'Élysée. Pourquoi depuis un mois, le nouveau siège du pouvoir serait-il le palais éphémère ? D'après mes sources, l'Élysée et le palais éphémère ont un point commun, autre que le faux prétexte d'héberger des rencontres de chefs d'État. Ce lien, ce sont les bases en profondeur et les tunnels qui se trouvent dessous. Car sous chacun des bâtiments existe une base militaire et des tunnels. N'y peut-on voir en définitive des événements similaires à ceux qui se passent aujourd'hui à Washington DC ? L'Élysée, comme la Maison Blanche, sont des lieux abandonnés. Et sous les locaux du Congrès, du FBI ou de la White House, aujourd'hui fermés, se trouvent des tunnels comme il en existe sous le champ de Mars, et son palais éphémère où se passent des choses bien étranges, comme sous l'Élysée qui me semble être un palais déserté. En définitive, n'a-t-on pas vu ce soir un président éphémère qui a quitté son lieu de pouvoir temporel pour présenter un programme qui ne tiendra pas dans un palais tout aussi éphémère ? Idem avec un président Biden qui s'exprime depuis des décors de plateaux de cinéma éphémères alors que son lieu de pouvoir, la Maison Blanche, lieu temporel de garantie de continuité du pouvoir présidentiel, est vide et fermé. Voici maintenant l'analyse de mon binôme Sherpa One, suite au message de Manu Militari. Celui-ci est parfois pris de crises irrépressibles d'écriture automatique. C'est certes un peu long, mais passionnant. Mouve Berger. Sherpa, je pense que c'est une excellente analyse de Manu Militari qui ne peut être faite et vérifiée que par un Parisien. Et sa pertinence est des plus symboliques dans ce qui se passe actuellement. J'adore ce genre d'analyse bien chiadée et bien subtile. Alors désolé, je serai comme d'habitude incapable de faire court, mais bon, je suis pensionné et surtout passionné par les événements bibliques qui se profilent à l'horizon. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle qui ne fait que me conforter dans le scénario du grand film. On a eu droit à la Maison Blanche des studios Castle Rock, avec un simulacre de présidence Biden qui s'occupe du bac à sable et des basses contingences, tout en voyageant la plupart du temps sur Air Force 2, alors qu'il est complètement sous contrôle de l'Alliance et d'une partie de l'armée US. On aura patienté longtemps avec Micron, et comme nous en avons maintes fois débattu, il était logique qu'il se passe la même chose en France. Hormis le fait que la France est le pays des Lumières et de la Révolution, c'est aussi le pays européen le plus vérolé et ensablé dans la corruption du Deep State, et surtout du PC chinois. L'Institut Pasteur est d'ailleurs également derrière ce pseudo-virus chinois avec le docteur Fauci, l'éminence grise sanitaire américaine. La France est le labo du Deep State européen, avec la Belgique juste derrière. Macron, qui fait son allocution au palais éphémère, est effectivement tout un symbole. Hier, cela m'a perturbé de l'écouter, avec cette tour Eiffel derrière lui, et avec un design jamais vu sur l'estrade derrière laquelle il était debout, comme Jupiter, et même si je n'avais aucune idée de l'endroit d'où il parlait, je me suis dit que ce mec ne respectait décidément plus rien, ni du protocole, ni des traditions françaises. Il n'en est rien. Macron et sa clique sont dorénavant sous contrôle complet de l'Alliance et certainement depuis des mois. Rappelez-vous, la présence de militaires en place, des gendarmes aux entrées de l'Élysée depuis février et des explosions souterraines entendues par des riverains lors d'opérations de nettoyage militaire jamais confirmées. C'est une très bonne nouvelle, car je pense qu'il en est de même avec l'Angleterre et la City de Londres. L'Angleterre a repris sa légitimité. Elle n'est plus sous la coupe royale et elle a été libérée par le grand frère américain. Les mesures sont assouplies. La crise se termine comme aux USA, le narratif Covid se casse la gueule et le Brexit est dorénavant un franc succès. Coupe d'Europe en moins. Peut-être une punition déguisée ? Je pense également que Boris Johnson est lui aussi sous contrôle de l'Alliance, tout comme Macron. Un col 45 sur la tempe et en attente de procès pour haute trahison envers leur pays et bien plus grave encore envers leur allié, les États-Unis d'Amérique, pour la collusion et le bourrage d'urnes par les machines à voter Dominion lors de la fraude sur les élections de 2020. Trahison ultime venant de pays de l'OTAN. Tout va prochainement exploser comme un baril de poudre et je pense que le coup d'envoi sera donné par les résultats des audits sur les fraudes aux USA. Comme je l'ai déjà dit souvent sur notre groupe depuis 2020, l'intrigue de cette guerre de la lumière contre l'obscurité fait passer les romans de Tom Clancy pour des aventures de Tintin. Ce qui arrive est biblique. Lorsque les citoyens lambda vont comprendre toute l'opération que cette alliance a montée depuis 1964, soit 57 ans plus tôt, et ce dans le plus grand secret, pour lancer les hostilités avec le soldat Trump depuis 2015, beaucoup vont se pisser dessus. Ils devront ravaler leur fierté et mettre de côté leur orgueil qui les a empêchés de comprendre tout ce qui se passe réellement dans le monde et dans leur vie, en acceptant aveuglément ce que nos dirigeants psychopathes leur imposent inexorablement. Le tout jusqu'à consentir dans la joie et la bonne humeur à un empoisonnement de masse. Simplement parce que le système leur dicte la moindre de leurs actions depuis la naissance pour conserver leur vie merdique d'avant. Je n'ai plus aucun doute sur ce qu'il se passe, et je me demande même si j'en ai douté un jour depuis février 2020 et cette fameuse vidéo où l'on voyait tomber des Chinois dans les rues grâce au virus de la 5G. Vidéo qui est restée en ligne quelques heures pour disparaître à jamais. Ce fut le point de départ de ma compréhension personnelle des événements, qui s'est étoffée dans mon cas grâce à l'excellent travail d'Alexis Cossette, mais aussi grâce à Mohamed Diallo. L'excellent Diallo, qui répète à l'envi depuis mai 2020 et même avant, que voir c'est croire, contrairement au saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. Et il a raison, car c'est la clé de l'éveil mondial de ceux qui n'ont pas la foi dans le plan. Ils croiront lorsqu'ils verront ces infos sur leur TV et leur smartphone. Pour bénéficier de cette foi avant l'heure, il nous a fallu aussi voir pour croire, avec des milliers de vidéos, des documents, des milliers d'heures à tenter de comprendre tout ce bordel et pour certains, une descente dans le terrier du lapin blanc. Nécessaire, mais pas indispensable, et ce grâce à ces lanceurs d'alerte de la première heure. On a cru ou pas. C'est ce qui fait notre niveau d'éveil de 1 à 6 plus d'un an et demi plus tard. Il y a bien sûr en parallèle un narratif de spiritualité des plus fascinants, qui participe également à notre éveil personnel et nous donne à tous et à toutes le droit d'espérer. Une petite pensée pour notre héros, Julian Assange, de Wikileaks, et pour sa divulgation de la boîte mail de Crocodile Harry Clinton, sans lesquels rien de tout cela n'aurait été possible. La foi dans ce plan de l'Alliance ne peut exister que si l'on a très vite pris conscience à l'époque de la guerre que Trump menait depuis 2017 contre les démocrates de Papa Bush à Maman Clinton, en passant par le pire d'entre eux, l'innommable Obama. Chez moi, tout le puzzle s'est mis en place grâce à Alexis Cossette. Ni plus, ni moins. Les gens qui s'éveillent depuis 5 à 6 mois, ou encore actuellement, et qui n'ont pas saisi toute cette incroyable histoire américaine, ne peuvent comprendre ce qui se passe chez nous en Belgique. Beaucoup comprennent que vaccin, il n'y en a pas bon, mais ça s'arrête avec la certitude que tout ceci ne mène qu'à Big Pharma, et donc à des histoires de pognon. Et c'est bien sûr un peu plus sophistiqué qu'une histoire de pognon. Ils ne peuvent pas comprendre que ce virus, qui n'en est probablement pas un, vu qu'il n'a jamais été ni observé ni isolé, est le couteau suisse d'une guerre contre les peuples. Ils peuvent encore moins comprendre les enjeux et la finalité de cette guerre, qui pour moi date de mai 2017, lorsque Donald Trump a entamé sa tournée des 5 pays en 8 jours. 8 jours pour devenir le maître du monde, en déposant dans chacun des pays des dizaines de milliers de dossiers compromettants qui lui auront valu l'obéissance totale et une allégeance inconditionnelle de leurs dirigeants, sous peine de tout dévoiler et de finir avec une balle dans la nuque. Donald Trump n'est pas notre sauveur, mais il est le général en chef de cette alliance qui a inversé les plans et les opérations que l'État profond et les mondialistes à la solde du Deep State chinois avaient mis des décennies à mettre au point. L'objectif du Deep State US était la mise à sac de tous les pays, le hold-up du siècle avec une prise de contrôle totalitaire prévue après 2030. Le fameux Agenda 2030. Celle qui devait donner le top départ en 2017 était Hillary Clinton, avec deux mandats suivant ceux d'Obama. Quelle personnalité du DS aurait dû suivre Clinton en 2025, je n'en sais rien. Mais il ou elle aurait dû finaliser la gouvernance mondiale dans le sang et la désolation pour 2033. probablement Chacal Harris ou Big Mike Obama. Un réveil brutal, très brutal. L'arrivée de Trump dans l'arène en 2015, sous l'impulsion de cette alliance, a complètement brouillé les cartes et obligé l'État profond à accélérer la manœuvre avec des années d'avance. Trump a joué son rôle de clone, a fait face aux attaques, et surtout aux fausses attaques des démocrates avec cette pseudo-collusion russe qui, à cette heure, a complètement été démontée. Même les call girls et la star du X, Stormy Daniels, soi-disant violée, sont toutes revenues sur leurs déclarations. Stormy Daniels. Tempête. The Storm. Les médias ont fait passer Donald Trump pour un clone, car tous les médias sont aux ordres du Deep State. Et chez nous, tout le monde a gobé la thèse du clone milliardaire cynique et de l'abruti misogyne. Sauf que l'oncle Donald est un homme d'une intelligence exceptionnelle et un adepte de l'art de la guerre de Sun Tzu. On pourrait également dire adepte des techniques d'aïkido, consistant à se servir de la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. J'adore Steven Seagal. En 2017, Trump avait déjà toutes les cartouches dans son Colt dès le début de son mandat, dont les balles en argent sont fournies par l'Alliance et les généraux qui construisent des milliers de dossiers depuis des décennies. Trump est un acteur, un très bon acteur, et il n'a pas dû beaucoup se casser le cul, vu que cette alliance lui présente tout sur un plateau en or. Mais cette alliance a besoin de son jeu d'acteur mégalomane, de son intelligence de businessman et de self-made man pour finaliser le plan et lancer le train sur le grand 8. En 2017, l'alliance prend de court toute cette nébuleuse du Deep State, trop certaine de tout contrôler depuis le début du siècle dernier. En effet, suite à de nombreuses imprudences de Bush fils et de Obama, trop convaincu d'être intouchable, le Deep State se fait complètement retourner en quelques mois. La Clinton et ses emails cachés et divulgués par Julian Assange de WikiLeaks seront la cerise sur le gâteau pour installer Trump au pouvoir en lui coupant l'herbe sous le pied. L'Alliance n'a pas dû mener un seul combat proprement dit. Elle avait tout ce qu'il fallait pour taper haut et juste. Le reste n'est que de la politique et des arrestations dans le temps, des arrestations et des confessions filmées de plus en plus nombreuses. En 2018, la guerre est gagnée, mais l'humanité dort du sommeil du juste. C'est le moins que l'on puisse dire. Le problème pour cette alliance n'est pas seulement de faire comprendre aux Américains empâtés devant leur TV, un pot de Häagen-Dazs sur les genoux, que leurs vies ne sont plus désormais sous le contrôle des sombres, ceux-là même qui ont comploté pour assassiner leur seul président courageux, John Fitzgerald Kennedy. Non, leur souci est d'offrir aux USA, et aussi à l'humanité, une seconde chance, mais sans risquer de refaire les erreurs du passé. Le plan. Quoi de mieux que d'obliger et d'imposer à tous ces psychopathes sous contrôle, par la menace de tribunaux militaires et d'exécutions sommaires, de laisser se dérouler leur plan diabolique comme prévu, mais sous contrôle. Un plan génial et bien supérieur à cette ingénierie sociale de contrôle des masses qu'ils avaient prévu de déclencher plus tard. Un plan quantique ? Le plan du bien se servant du plan du mal pour nous réveiller. Exactement comme de laisser des gangsters réaliser leur hold-up dans une banque sans un seul dollar à l'intérieur et avec des armes chargées à blanc pour les choper à la sortie. On peut imaginer que c'est pour cette raison que les milliards sont dépensés dans cette crise Covid par tous les pays, mais aussi par une Europe qui ne compte même plus. Pourquoi ? Parce que l'argent ne vaut déjà plus rien. Parce que l'Alliance a désormais le contrôle sur la richesse mondiale, confisquée aux sombres qui ont spolié l'humanité durant des siècles. L'Alliance possède l'or du Vatican, l'argent magique de Macron. Nous sommes dans une période où tous les politiciens signent des chèques en bois. Un peu comme un mec qui profite d'acheter plein de choses avant que la banque ne réalise qu'il n'a pas un copec. Sauf qu'ici, la banque, c'est l'Alliance, et elle a ramassé tous les copecs du monde. On peut aussi imaginer que ces vaccins dangereux ne le sont pas réellement, ou pas tous, même s'ils devaient effectivement l'être à la base. Chargés à blanc pour faire du bruit, mais sans danger. Ou peut-être même effectivement dangereux, mais avec la possibilité d'être neutralisés par un antidote que l'Alliance fournira bientôt, en même temps qu'elle redistribuera les richesses sur l'idée de Nessara Gessara. Les victimes actuelles seraient comme dans toutes les guerres, des dégâts collatéraux. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et certainement pas au niveau mondial. Dans tous les cas, toutes ces victimes du Covid ou des injections, même si ce sont des victimes de trop, ne représentent qu'une fraction de ce qui rejoint le Créateur chaque jour que Dieu fait via les virus de la faim ou du cancer. Pour l'heure, la fin de l'histoire est proche, mais le réveil est loin d'être complet. Très loin. Trop loin. Pour y parvenir, le narratif continue toujours sous contrôle de l'Alliance, sur Joe Biden, sur Macron, sur la démoniaque et nazie Merkel, sur le British Johnson sans filtre, sur le faux juif sémite Netanyahou, sur l'antipape François, et sur la consanguine reine d'Angleterre, laquelle est désormais déposée et défroquée depuis la visite de Trump en Angleterre, dès l'instant où Donald a posé son cul dans le vieux fauteuil de Winston Churchill avant de passer les troupes en revue, devant la reine. Les royautés de sang bleu ont toutes été neutralisées. Est-ce que tous ces chefs d'État sont encore réellement en place ou simplement remplacés par des acteurs de crise maqués, clones ou IA? Impossible de le dire à cette heure. Mais personnellement, je pense qu'ils sont tous et toutes remplacés depuis assez longtemps et que le show continue grâce à des technologies dont nous n'avons même pas idée. Les milliers de brevets de technologies cachées qui seront dévoilés dans des mois et années à venir ont d'ailleurs bien plus d'importance pour un changement sociétal en profondeur que l'argent récupéré en or dans chacun de ces pays dirigés par des criminels. Voilà pourquoi peu de gens comprennent réellement ce qui se trame et ce qui se passe actuellement. Nous vivons l'époque la plus incroyable et la plus fantastique de toute l'histoire de l'humanité. Et le pire, c'est que 90% des humains n'en ont pas encore pris conscience, par peur, par individualisme, par égoïsme et surtout par un matérialisme exacerbé qui les aura aveuglés et continuera à le faire jusqu'au bord du précipice. Si nous avons tort sur toute la ligne, on se sera néanmoins, nous les complotistes, vraiment bien amusés depuis un an et demi. Et ce n'est pas non plus un hasard si notre système immunitaire est au top, car nous ne vivons plus dans la peur du lendemain. La question existentielle qui se pose bien évidemment chez les lanceurs d'alerte, les éveilleurs et les soldats numériques est la suivante. Jusqu'à quel point cette alliance va-t-elle laisser se dérouler le narratif afin d'obtenir le réveil complet de l'humanité? Deux possibilités. Un réveil brutal? Un réveil en douceur? Vous aurez compris que ma version n'est plus depuis très longtemps une guerre qui se joue en temps réel. Dans toutes les guerres, lorsque les têtes sont coupées, il existe toujours durant quelque temps des poches de résistance, des combats de tranchées et des exécutants. Dans ce cas de figure, ce sont des centaines de milliers d'exécutants à travers et sous tous les gouvernements du monde. Et cela, sans compter sur les milliers de bases, fermes, de la CIA disséminée dans toutes les grosses villes du monde. Cette infection par des seconds couteaux et de nombreux lampistes est donc généralisée, vu que le Deep State a infecté tous les pays du monde, à quelques exceptions près, comme quelques pays africains, dont les présidents ont été assassinés, ou même européens, avec la Biélorussie ou la Hongrie, qui ont fait face sans faillir à l'OMS, malgré des tentatives de corruption énormes. Allant même jusqu'à des tentatives d'assassinat sur le président malgache. L'Alliance a fait le plus gros du travail et pour réveiller le bon peuple a fait appel à l'équipe. L'équipe des Anons de Q. On a assisté à une guerre éclair asymétrique d'une toute nouvelle conception. Une guerre basée sur l'information et le partage exponentiel sur les réseaux grâce à Q, une intelligence militaire reliée à la NSA, qui aura fait participer son peuple et tous les peuples de la Terre à un éveil progressif mondial grâce aux soldats numériques, tous civils. Il n'y a donc pas eu besoin d'utiliser l'armée retirée du Moyen-Orient par Trump, hormis pour sauver des millions d'enfants à travers le monde, des réseaux pédosatanistes et de la traite des êtres humains aux mains des sombres. Cet immonde trafic est régulé par des petites mains, pour le bon plaisir des élites et pire encore, pour la production industrielle d'adrénochrome via des fermes d'élevage dans de nombreux pays pauvres d'Afrique et d'Asie. Les acheminements réguliers d'enfants s'effectuent par porte-containers de type Evergreen et autres, pourvoyant les États-Unis et l'Europe tout entière en chair fraîche, avec près de 20 millions de gosses sans identité qui disparaissent chaque année dans le monde. Ceci est probablement ce qui va provoquer la plus grosse indigestion et le plus grand malaise vagal de l'humanité, une fois que la vérité sortira de l'escalier. Cette libération des enfants se déroule probablement depuis 2018, avec une montée en puissance en 2020 lors du premier confinement et provoquera certainement l'émoi le plus important lors des révélations. Chaque info de Q, distillée de manière quantique, aura participé à l'éveil, non pas du troupeau, mais des patriotes résistants. À peine quelques milliers aux États-Unis en 2017, nous sommes actuellement des millions de par le monde. C'est donc un éveil en deux temps. Le premier pour former la résistance populaire, le deuxième pour éveiller tous les autres. Cette seconde phase d'éveil sera accompagnée par cette résistance en fonction des futures révélations. Si l'Alliance enclenche le réveil au lance-flammes, cela pourrait aller très vite. Mais ça ne se passera pas sans cri ni grincement de dents. Lorsque les injectés découvriront la vérité, on aura droit de facto à des émeutes, voire à une guerre civile. Le rôle des éveillés sera de prendre soin de leurs proches, et pour certains de monter sur les barricades. Le schéma qui se profile en France commence à y ressembler furieusement, et la Belgique suivra. Ou pas. Seule l'Alliance connaît la procédure de réveil. La version douce et homéopathique, afin de préserver au maximum la sensibilité de chacun, pourrait prendre bien plus de temps et m'emmerderait prodigieusement. On aurait le droit à une installation progressive de cette dictature au-delà de 2021 avec un narratif complet de ce qu'avaient prévu de faire l'État profond et les mondialistes, histoire que le bon peuple comprenne une bonne fois pour toutes et dans la matière la quenelle qu'ils se sont prises durant toutes ces années. Ce réveil lent et progressif ne se ferait pas non plus sans douleur. Ce serait moins violent que l'arrêt complet de la machine avec un EBS, mais ça durerait plus dans le temps, avec un petit stage de 6 mois voire 1 an en dictature communiste marxiste. On serait alors tous et toutes vaccinés contre notre gré, mais vaccinés tout de même. Petit séjour en dictature qui, à mon sens, ne ferait bien sûr de mal à personne, et encore moins à notre jeunesse perdue, vu l'état de notre société consumériste et wokiste. Dans ce cas de figure, nous verrons les pays anglo-saxons vivre leur nouvelle normalité qui a déjà débuté avec le Brexit et la vieille Europe qui subirait quelque temps le scénario des sombres avant que l'Alliance ne sonne la fin de la récré. Ce qui va se passer n'est pas le plus important. Car les éveillés sont prêts à la résistance et à traverser la rivière, même s'ils n'en ont pas encore tous conscience. Par contre, la grande majorité ne s'attend à rien, hormis l'espérance de retrouver sa vie d'avant, au retour des vacances, ce qui n'est pas le cas des éveillés, bien sûr. Vous comprendrez que dans l'une ou l'autre vision de la fin du film, on a du taf devant nous et que seule la foi nous aidera à surmonter les obstacles. Sans foi, rien n'est possible. Il est aussi possible que tout éclate rapidement, sans violence ni départ de feu. Que nous nous retrouvions très vite dans un nouveau monde, une nouvelle société qui renaîtra de ses cendres, si cette alliance a été capable de tout prévoir jusqu'au dernier détail dans chaque pays et dans chaque perception des révélations qu'auront les peuples, ainsi que de leur manière d'y réagir. Ce serait bien sûr l'idéal, mais seul l'avenir nous le dira. Voilà pourquoi j'avance sans crainte des événements à venir. Tout simplement parce que j'anticipe les différentes options qui se dévoilent à nous en 2021. L'Alliance se bat depuis 1964 en secret et depuis 2015 au grand jour. Elle ne risquera pas une seconde de tout perdre si toute l'humanité n'est pas réveillée pour de bon. Le Deep State a joué toutes ses cartes jusqu'à sa chute en 2018. L'Alliance a encore beaucoup d'as dans son jeu et termine sa partie de poker menteur avec un adversaire sous contrôle. La dernière carte de l'état profond, qui n'est plus qu'un leurre, est une possible cyberattaque mondiale ou européenne, soi-disant perpétrée par des groupes de complotistes hackers d'extrême droite, ou pourquoi pas une pseudo-guerre mondiale. Dans la première réalité qui n'existe plus, elle aurait été mise en action par les mondialistes eux-mêmes. Mais dans notre nouvelle réalité, dans ce grand film, si ce blackout se réalise, ce sera sous le contrôle de l'Alliance, pour une reprise complète du système via un potentiel EBS, Emergency Broadcast System, et trois films de 8 heures, 24 heures sur 24, durant les 10 jours d'obscurité. The 10 Days of Darkness. Le jeu d'échecs 5D. Postscriptum. Voici un beau clin d'œil que l'armée nous a adressé ce 14 juillet 2021 lors du défilé militaire. Q n'aurait pas fait mieux. Filmé d'en haut, de l'arrière des tribunes, s'étale un beau Punisher que l'armée a dessiné ce 14 juillet avec une chorale qui chante les mondes engloutis. Le Punisher est la tête de mort que l'armée américaine utilise pour symboliser la punition de l'ennemi ou encore la justice implacable de Dieu. Ceci est donc un message que l'armée française adresse à ses compatriotes pour les avertir qu'elle est avec eux et qu'elle punira les traîtres à la nation. Where we go one, we go all. And trust this fucking plan. Sherpa One.